fanée, un manque de peau pour se rêver effleuré. Elle, trop fleur bleue, et lui, terre à terre. La vie à deux a pour eux un arrière-goût amer. La vie à deux a pour eux un arrière-goût amer. La vie à deux, la vie pour eux, la vie mon Dieu. Qu'allait-il faire dans cette galère? Pendant qu'il végète, elle en fait qu'à sa tête. Elle le laisse planter là et s'éloigne. Pas à pas. Elle suit le vent, sème son avenir. Lui réticent, égrène ses souvenirs. Au fil du temps, il voit fleurir un lierre géant, fin dans leur sourire. La vie à deux a pour eux un arrière-goût amer. La vie à deux a pour eux un arrière-goût amer. La vie à deux, la vie pour eux, la vie mon Dieu. Et qu'allait-il faire dans cette galère? La fleur des beaux jours pourrit tous les jours. L'ennui s'enracine et les gagne peu à peu. Mais qu'elles en potaient. Qui va payer les pots cassés? Mais qu'elles en potaient. Va payer les pots cassés, les pots cassés. Pensait que hier juste une belle plante la cultiver en douce femme aimant, planter sa graine et récolter trois saisons après leur bébé. La vie à deux a pour eux un arrière-goût amer. La vie à deux a pour eux un arrière-goût amer. La vie à deux, la vie pour eux, la vie mon Dieu. Qu'allait-il faire dans cette galère? Et que de déception pour ce grand garçon qui rêvait d'une princesse et s'accompagne plein de maladresse. Mais qu'elles en potaient. Qui va payer les pots cassés? Mais qu'elles en potaient. Qui va payer les pots cassés? Les pots cassés! Elle, elle ou lui ont cueilli le mauvais fruit. Pourquoi continuer à croquer cette existence gâtée? Elle devrait s'évader. Elle lui la virait. La virait. On ne peut pas faire de beaux bouquets avec des fleurs non accordées. On est bien assez nombreux sur terre. Pourquoi ne pas se satisfaire? Qu'elles en potaient. Qui va payer les pots cassés? Mais qu'elles en potaient. Qui va payer les pots cassés? Les pots cassés! Les pots cassés! Qui va payer?